بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous adressons les louanges à Allah, le Seigneur souverain des mondes, et nous lui demandons de couvrir d'éloges et de saluer notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Cela dit, nous continuons sur notre lancée, celle que nous avions entamée hier, étant donné que nous nous étions penchés ensemble sur le sujet du chapitre que nous avions entamé, de ce passage du livre d'Abu Zakariya al-Nawawi intitulé « Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat ». Et ce passage-là, donc, qui a été isolé et auquel le titre de Tahdhib al-Sir al-Nabawiyya, l'essentiel de la vie du prophète, a été donné. Et le chapitre auquel nous étions arrivés est relatif au décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hier, nous avions changer quelque peu la méthode, et au lieu d'expliquer le texte, on avait abordé ensemble un aperçu de la noble vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous avait amené jusqu'à ce qui est appelé le pèlerinage d'adieu. Sachant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a accompli qu'un seul pèlerinage. Ce pèlerinage qu'il a accompli en l'an 10 de l'Hégire et qui est appelé le pèlerinage d'adieu. Et c'est notamment à cette occasion-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons qui étaient en train d'accomplir les rites avec lui, prenez de moi, car il est possible que vous ne me voyez plus l'année prochaine. Et nous avions vu que, suite à cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait regagné Médine, et ce, durant la dernière semaine du mois de Dhul-Hijja de l'an 10. Après l'Hégire. Et aujourd'hui donc, nous allons entrer dans le vif du sujet concernant ce qui est à juste titre considéré comme étant la plus grande des catastrophes que la communauté ait pu connaître, voire même l'humanité. Et pour ce faire, on va quelque peu revenir en arrière. Hier, lorsque nous avons mentionné un certain nombre de batailles parmi les batailles qui se déroulèrent du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait mention de la conquête de Khaybar qui eut lieu en l'an 7 de l'Hégire. Et il faut savoir que à Khaybar vivait un bon nombre de juifs. Parmi eux, une femme juive qui se renseigna à propos de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam préférait comme partie des bêtes. Quelle était la viande qu'il préférait consommer, alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'elle fut renseignée à ce sujet, elle a préparé de la viande et elle a mis du poison dans ce plat-là et elle en a ajouté dans la partie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affectionnait et préférait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donc commencé en compagnie de ses compagnons à manger de ce plat et il en a mangé une bouchée. Et suite à cela, il a dit à ses compagnons, arrêtez de manger. Et dans une version, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, elle m'a elle-même informé qu'elle est empoisonnée. C'est-à-dire cette bête qu'il était en train de manger, dont il était en train de consommer la viande, l'a informé qu'elle était empoisonnée. Et cela, bien sûr, fait partie des miracles qu'Allah tabaraka wa ta'ala a permis à son messager de produire par sa permission, Azza wa Jal. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. Et s'il a su cette chose-là, c'est du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a permis. Et il faut savoir que les effets de ce poison ne sont pas apparus tout de suite. Et ce, du fait d'une sagesse éminente décrétée par Allah tabaraka wa ta'ala, à savoir le fait que, à titre d'exemple, la Mecque n'avait toujours pas été conquise et que la religion n'avait pas encore été complétée. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'être en possession de tous ses moyens physiques. C'est pour cela que les effets du poison ne se manifestèrent pas de suite. Cependant, à la fin de sa vie, ils ont commencé à apparaître. Et ce, du fait d'une autre sagesse, à savoir le fait que la communauté sache que le noble messager, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, n'était qu'un être humain qui avait certes été favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il lui avait attribué et révélé le message. Et afin de couper court à toute exagération le concernant, eh bien peu de temps avant sa mort, les effets de ce poison ont commencé à se faire ressentir. Et il a commencé à souffrir énormément, sallallahu alayhi wa sallam, notamment du poison que cette juive avait mis dans ce morceau de viande qu'elle lui avait offert. Donc nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu du pèlerinage et qu'il est arrivé à Médine durant la dernière semaine du mois de Dhul-Hijjah de l'an 10. Et il a donc séjourné à Médine le restant de ce mois et également les mois de Muharram et de Safar. Et à la fin du mois de Safar, à moins que ce ne soit au début du troisième mois de l'année, à savoir Rabi al-Awwal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a visité les martyrs de Uhud. Et c'est comme s'il faisait ses adieux aux vivants ainsi qu'aux morts, sallallahu alayhi wa sallam. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de visiter le cimetière d'Al-Baqi'a. Et il a commencé à multiplier ses visites à partir de ce moment-là, la fin du mois de Safar. Un jour, alors qu'il était en train de revenir d'une de ses visites, sallallahu alayhi wa sallam, il trouva Aïcha, sa noble épouse, radiallahu anha, qui souffrait de maux de tête. Et elle se plaignait, radiallahu anha, en disant, « Oh, ma tête !» Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, c'est plutôt à moi de dire, « Oh, ma tête !» Car à partir de ce moment-là, des maux de tête ont commencé à faire souffrir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui coïncida avec le début de la maladie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il commença à être malade alors qu'il était dans la maison de Maïmouna, son épouse, radiallahu anha, malgré la maladie, il continua à accorder à chacune de ses épouses son droit en alternant les jours. Cependant, il commençait à lancer certains sous-entendus en disant « Où dois-je aller demain ? Où dois-je aller demain ?» Dans le sens, auprès de quelle, de laquelle de mes épouses dois-je aller demain ? Et il sous-entendait par là le fait qu'il souhaitait être soigné chez Aïcha, radiallahu anha. Et lorsque la maladie s'est intensifiée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ses épouses l'autorisation de pouvoir rester chez Aïcha, radiallahu anha, et cette autorisation lui a été donnée, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, il était dans la maison de Maïmouna. Mais il n'avait pas la capacité physique de se rendre chez Aïcha. Et c'est pour cela que Al-Fadl, ainsi que Ali, qu'Allah les agrée, sont venus le chercher et l'ont aidé à se rendre chez Aïcha. Aïcha, radiallahu anha, de témoigner en disant qu'elle voyait les pieds du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, traîner, étant donné que du fait de sa maladie, il n'avait pas la force de se tenir debout. Et donc est venu s'ajouter aux effets du poison qui commençait à se faire ressentir ces violents maux de tête qui le faisaient souffrir, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les gens de science ont dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort, en quelque sorte empoisonné, signifie qu'il est mort en martyr, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le jeudi avant sa mort, sachant que, comme nous allons le voir, un grand nombre de ulama est d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, le jeudi qui précéda, à savoir le jeudi 8, fut le jour durant lequel cette maladie qui le faisait déjà beaucoup souffrir s'intensifia énormément. C'est d'ailleurs pour cela que, comme le rapporte, comme l'a recueilli Al-Bukhari dans son recueil authentique, Ibn Abbas, lorsqu'il fut questionné à propos de ce jeudi, il disait « le jeudi, et quel jeudi ?» Et suite à cela, il se mettait à pleurer, radiyallahu anhuma, du fait qu'il se souvenait de la dureté de ce jour pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et durant ce jour, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons alors présents, « Apportez-moi de quoi écrire, que je vous fasse écrire un livre après lequel vous ne vous égarerez pas. » Et les compagnons ont divergé. Certains ont dit, du fait que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné, alors nous devons nous exécuter. Mais d'autres avaient compris que cet ordre-là n'était pas un ordre indiquant l'obligation, mais que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait plutôt laissé le choix à ses compagnons de s'exécuter ou pas. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui disait « Ce qui se trouve dans le livre d'Allah nous suffit déjà » et cela relève de la grande compréhension qu'il avait de la religion, car il craignait, radiallahu anhu, que soient légiférées d'autres pratiques cultuelles, et il préférait donc s'en tenir. Il préférait donc s'en tenir à cela. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu leur désaccord, il leur a dit « Laissez-moi, car l'état dans lequel je suis m'est préférable que ce de quoi vous êtes en train de discuter. » Puis, le messager sallallahu alayhi wa sallam retrouva quelque peu ses forces. Et il monta sur la chaire sur laquelle il avait l'habitude de dispenser ses sermons, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a rapporté Abu Sa'id al-Khudri, et comme cela a été recueilli entre autres par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique, le messager sallallahu alayhi wa sallam déclara alors qu'il était sur la chaire, « Il est un serviteur à qui Allah a donné le choix entre le fait de lui attribuer des parures de ce bas monde, ce qu'il veut, et le fait de choisir ce qu'il y a auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah. Et il a choisi ce qu'il y a auprès de lui. » Suite à cela, Abu Bakr, lorsqu'il entendit cela, il se mit à pleurer. Radiallahu anhu, et il a dit, « Nous sacrifierions nos pères et mères pour toi. » Abu Sa'id de dire nous fîmes alors surpris de sa réaction. Et les gens se mirent à dire, « Regardez ce cheikh en parlant de Abu Bakr. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, informe à propos d'un serviteur à qui Allah a donné le choix entre les parures de ce bas monde et ce qu'il y a auprès de lui. Et lui, il répond, « Nous sacrifierions nos pères et mères pour toi. » Abu Sa'id de commenter en disant, il s'avère que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était celui à qui le choix fut donné, et Abu Bakr était plus savant que nous à son sujet, dans le sens où Abu Bakr, il avait compris l'allusion faite par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que le restant des compagnons n'avait pas saisi le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam visait sa noble personne. C'est pour cela que Abu Sa'id a dit, et Abu Bakr était plus savant que nous à son sujet. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, parmi les gens en qui j'ai le plus confiance concernant leur compagnie et leur bien, Abu Bakr. Et si je devais choisir dans ma communauté un ami intime, j'aurais choisi Abu Bakr. Mais il ne s'agit que de l'amitié de l'islam. Qu'aucune porte donnant directement sur la mosquée ne subsiste donc, sauf celle d'Abu Bakr. Suite à cela, le messager sallallahu alayhi wa sallam a également dit, ceux qui vinrent avant vous, c'est-à-dire les générations qui vous ont précédé, prirent les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. Ne prenez pas les tombes de vos prophètes comme lieu de culte, car je vous interdis formellement cela. Tu retrouves dans ce discours le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que Abu Bakr était celui qui devait lui succéder. Notamment dans le fait qu'il ait dit parmi les gens en qui j'ai le plus confiance concernant leur compagnie et leur bien, Abu Bakr. Et si je devais choisir dans ma communauté un ami intime, j'aurais choisi Abu Bakr. Et dans une autre version de ce discours, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me désavoue auprès d'Allah de choisir parmi vous un ami intime. Et si jamais j'avais dû choisir parmi vous un ami intime, j'aurais choisi Abu Bakr comme ami intime. Et également, dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ordonné que ne subsiste plus aucune porte donnant directement sur la mosquée, si ce n'est la porte de Abu Bakr, étant donné que c'était lui qui devait lui succéder en tant que calife, radiallahu anhu. On retrouve également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était touché par la maladie, il accorda une grande importance à la condamnation du polythéisme en disant Ceux qui sont venus avant vous prirent les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. Ne prenez donc pas les tombes de vos prophètes comme lieu de culte, car je vous interdis formellement cela. Et on va retrouver par la suite d'autres manifestations de l'importance que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accorda au tawhid, le monothéisme, l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration et la condamnation du polythéisme, à savoir le fait d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna chez Aïcha. Puis arriva sa fille Fatima. Et vous vous rappelez que le messager sallallahu alayhi wa sallam, des 7 enfants qu'il a eus, 6 sont morts de son vivant. Alayhi salatu wa salam. Et seule Fatima est morte après lui, 6 mois après son décès sallallahu alayhi wa sallam. Fatima arriva donc. Et elle avait la même démarche que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'elle s'introduisit auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, bienvenue à ma fille. Et c'est alors qu'ils commencèrent à discuter. Et que, comme le rapporte Aïcha, radiyallahu anha, notamment dans le recueil authentique de l'imam muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a confié à sa fille Fatima un secret dans son oreille. Et c'est alors qu'elle se mit à pleurer. Puis, lorsqu'il a vu sa peine et sa tristesse, il lui a confié un autre secret, et cette fois-ci, elle s'est mise à sourire, radiyallahu anha. Et Aïcha, radiyallahu anha, l'a questionné à ce sujet. Elle voulait savoir qu'est-ce que lui avait confié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Fatima lui répondit, il ne m'appartient pas de divulguer le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, Aïcha radiallahu anha questionna à nouveau Fatima en lui disant, j'insiste auprès de toi du fait du droit que j'ai sur toi afin que tu m'informes de ce que t'a confié le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima, qui lui a reconnu son droit, lui a alors divulgué ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit en lui disant, la première fois qu'il m'a confié quelque chose à l'oreille, il m'a confié que d'habitude Jibril alayhi salam venait réviser avec lui le Coran chaque année, et que cette fois-ci il était venu à 2 reprises et il lui a dit, et à mon avis c'est que ma fin est proche, crains donc Allah et sois endurante, car quel bon prédécesseur je suis pour toi. Et c'est alors qu'elle s'est mise à pleurer, radiyallahu anha. Puis elle lui a dit, quant à la deuxième fois qu'il m'a confié quelque chose à l'oreille, il m'a dit, alors qu'il avait vu ma tristesse et le désarroi dans lequel j'étais, n'agrées-tu pas d'être la princesse des croyants au paradis? Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé quel serait le premier membre de sa famille à le rejoindre sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là qu'elle se mit à sourire et à rire, radiyallahu anha. Également, suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit Salama, qui était en train de mentionner une église qu'elle vit en terre d'Abyssinie, étant donné que Salama faisait partie des croyants et des croyantes qui avaient émigré en Abyssinie. Et elle a mentionné une église qu'elle vit en terre d'Abyssinie et dans laquelle elle remarqua la présence d'images, c'est-à-dire de représentations figurées, d'êtres animés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ce sont ces gens-là qui, lorsqu'un homme ou un serviteur pieux meurt parmi eux, construisent un lieu de prière autour de sa tombe et y façonnent ces images. Ce sont eux les pires créatures auprès d'Allah. Tu retrouves donc à nouveau le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui condamne fermement le polythéisme alors qu'il est pris par cette maladie qui devait causer sa mort quelques jours plus tard sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on peut rajouter dans ce registre-là ce que Al-Bukhari et Muslim ont recueilli dans leur recueil de hadiths authentiques respectifs. D'après Aïcha radiallahu anha qui a dit, durant la maladie précédant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de placer un de ses vêtements sur son visage. Puis lorsque celui-ci le gênait au point de l'étouffer, il l'ôtait et disait que la malédiction d'Allah s'abatte sur les juifs et les chrétiens car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et ce afin de mettre en garde contre le fait de se comporter de la sorte. Et tu retrouves donc à nouveau l'importance accordée au monothéisme et à la condamnation du polythéisme. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Ce jeudi qui précéda la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à ce que lui soit amené un récipient avec de l'eau. Et alors que ce récipient lui fut amené, il s'évanouit, sallallahu alayhi wa sallam, car il voulait s'apprêter à diriger la prière de Dhuhr. Et il retrouva ses esprits à plusieurs reprises et à chaque fois, il était repris par ses évanouissements. Et c'est alors qu'il dit « Ordonnez à Abu Bakr afin qu'il dirige les gens en prière. » Et un dialogue s'installa entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Aïcha, qui n'était autre, comme vous le savez, que la fille de Abu Bakr. En effet, Aïcha radiallahu anha a dit à son époux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Abu Bakr, c'est un homme triste et qui ne supporte pas ce genre de situation. » Elle voulait dire par là que si Abu Bakr en venait à diriger les gens en prière, alors qu'il savait dans quel état le messager sallallahu alayhi wa sallam était, eh bien il risquait de ne pas se contrôler et de fondre en sanglots, radiallahu anhu. Et donc Aïcha radiallahu anha a suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de désigner quelqu'un d'autre. Et parmi les raisons de cela, le fait qu'elle ne voulait pas que les gens se lasse de Abu Bakr qui devait par la suite prendre la relève et assurer le califat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam insista en disant « Ordonnez à Abu Bakr de diriger les gens en prière. » Et il est même rapporté dans certaines variantes que Aïcha a demandé l'intervention de Hafsa, la fille de Omar, également épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous êtes certes comparables à celles qui disputèrent Youssouf, ordonnez à Abu Bakr qu'il dirige les gens en prière. Et c'est alors que cela fut ordonné à Abu Bakr. Mais Abu Bakr, qui rencontra alors Omar, lui demanda de diriger les gens en prière. Mais Omar lui a dit que c'était lui qui était le plus en droit de faire cela, et c'est ainsi qu'Abu Bakr entama la prière en dirigeant les musulmans qui priaient donc derrière lui. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retrouva ses forces et il se leva afin de rejoindre les musulmans en prière. Et lorsque Abu Bakr se rendit compte de cela, il a voulu reculer afin de laisser place au messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe de rester à sa place et il pria à côté de lui. Abu Bakr, suivant le messager sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans derrière lui, le suivant à lui, qu'Allah l'agrée ainsi que l'ensemble des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cela, la maladie continua à faire souffrir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait regagné l'appartement de Aïcha radiallahu anha. Il a notamment été rapporté qu'il disait « Allahu Akbar, ayez une bonne opinion d'Allah ». Et la maladie continua à s'intensifier à tel point que Aïcha radiallahu anha a dit « Je n'ai jamais vu personne souffrir autant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant sa maladie ». Elle a également dit, radiallahu anha, comme cela est entre autres recueilli par Al-Tirmidhi dans Al-Shama'il et déclaré authentique ou au minimum fiable par le Cheikh Al-Albani dans son résumé, je n'envie personne du fait qu'il connaisse une douce mort après ce que j'ai pu voir de la dureté de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi ceux qui témoignent de l'intensification de la maladie du messager sallallahu alayhi wa sallam et de la souffrance qui le toucha, des récits rapportés par Abu Sa'id Al-Khudri et Ibn Mas'ud qui visitèrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui le trouvèrent pris de grandes fièvres, à tel point qu'en le touchant, il s'en brûlait les mains, radiallahu anhuma. Puis arriva le jour du lundi, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Abu Bakr avait donc succédé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de diriger les gens en prière. Et alors qu'il était en train de diriger les musulmans pour la prière d'Al-Fajr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déplaça le rideau qui s'interposait entre lui et la vision des musulmans en prière. Et il regarda les musulmans en train de prier. Et ils se rendirent compte de cela. Et certains furent perturbés du fait qu'ils étaient en prière et qu'ils étaient en train de voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui les regardait en train de prier et qui se mit à sourire et à rire, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous montre l'importance qu'accordait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la prière en groupe, notamment la prière du Fajr. Le fait qu'il a vu les musulmans en train de prier en groupe la prière d'El Fajr, ça l'a réjoui à tel point qu'il a souri et ri, sallallahu alayhi wa sallam. Puis durant la matinée de ce lundi, Fatima radiallahu anha visita son père et elle fut catastrophée par l'état dans lequel elle le trouva en disant « Oh, comment mon père souffre !» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, il n'y aura plus de souffrance pour ton père après ce jour. Parmi ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, le fait qu'il recommanda énormément la prière. Il disait la prière, et craignez Allah à propos de ce que vos mains détiennent. La prière, et il le disait, et cela s'entendait dans une sorte de râle, sans que pour autant il n'arrive à le dire de manière distincte avec sa langue, sallallahu alayhi wa sallam, du fait de l'état de souffrance qu'il avait gagné, alayhi salatu wa salam. Malgré tout, il disait la prière, et craignez Allah à propos de ce que vos mains détiennent. Durant le milieu de la matinée, Abdurrahman, le fils de Abu Bakr, frère de Aïcha, radiyallahu anha, visita le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il tenait dans sa main un siwak. Et Aïcha radiyallahu anha se rendit compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait le siwak. Et elle a compris qu'il le désirait, mais il ne pouvait pas le dire avec sa langue du fait de la souffrance qu'il avait gagnée, alayhi salatu wassalam. Et c'est alors qu'elle a pris le siwak. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas l'utiliser du fait qu'il était trop dur. Aïcha lui a alors dit, est-ce que tu veux que je l'adoucisse pour toi? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe que oui, et c'est alors que Aïcha radiallahu anha a commencé à assouplir ce siwak en le mordant, et elle a dit, c'est ainsi que ma salive s'est mélangée à celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, peu de temps avant sa mort. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il avait auprès de lui un récipient d'eau. Et il prenait de cette eau et il s'en passait sur le visage afin de soulager la fièvre qu'il avait gagnée, alayhi salatu wa sallam. Puis il disait « La ilaha illallah » ce qui signifie, comme vous le savez, « Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. »« La ilaha illallah » certes la mort a ses supplices. Et également il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut entendu en ce jour en train de dire « Ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin » والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, parmi lesquels les prophètes, les grands véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie que la leur. Il a également été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant cette matinée disait, oh Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde et accorde-moi la plus éminente des compagnies. Penche-toi un peu sur cette invocation du messager sallallahu alayhi wa sallam, à qui les péchés antérieurs et à venir avaient été pardonnés. Malgré tout, il disait, oh Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde et accorde-moi la plus éminente des compagnies. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut pris d'évanouissement. Et, alors qu'auparavant, il avait reposé sa tête, alayhi salatu wa sallam, sur la cuisse de son épouse Aïcha radiallahu anha, il avait cette fois-ci sa tête entre sa poitrine et son cou, avec le siwak que Aïcha radiallahu anha lui avait assoupli. Et donc, il disait ces invocations que vous venez d'entendre. Et il était pris d'évanouissement. Et parfois, il retrouvait ses esprits. Et à un moment, après s'être évanoui, et après avoir retrouvé ses esprits, il leva son regard vers le haut, ainsi que sa noble main, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est alors qu'il dit, oh Allah, vers la plus éminente des compagnies, et c'est alors que son regard se figea, et que sa noble main tomba, sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha, de témoigner alors, que suite à son décès, alayhi salatu wa salam, elle a dit, je n'ai jamais senti une odeur aussi agréable que l'odeur qui se dégagea du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là. C'est donc là, la plus grande des catastrophes que cette communauté, que voire l'humanité ait pu connaître. Anas, radiallahu anhu, disait, le jour où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine, tout s'y illumina. Et le jour où il est mort, tout s'y est assombri. Et c'est alors que nos mains étaient en train de laisser le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions en train de l'enterrer, que nous nous mîmes à réprouver nos cœurs. Abu Bakr, radiallahu anhu, il était parti vaquer à ses occupations. Car Abu Bakr, qu'Allah l'agré, lorsqu'il avait vu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait eu la force de se lever le matin et qu'il avait été aperçu en train de sourire, et ce lorsqu'il avait vu les musulmans en train de prier la prière d'Al-Fajr, il a pensé qu'il était en quelque sorte rétabli et il n'a pas vu le besoin, radiallahu anhu, de rester à ses côtés. Et c'est alors qu'il fut informé, qu'Allah l'agré, du décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, les gens furent en proie au doute et à l'hésitation. Certains d'entre eux n'approuvaient pas l'information qui leur était parvenue, faisant état du décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres avaient compris que le messager sallallahu alayhi wa sallam était mort. Parmi ceux qui rejetaient avec force cette information-là, Omar, radiallahu anhu, notamment du fait qu'il avait commencé à déceler parmi les hypocrites certaines ruses qu'ils étaient en train de fomenter contre les musulmans. Et Omar, radiallahu anhu, disait, non, le messager n'est pas mort, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne mourra pas avant d'avoir réglé le compte des hypocrites. Et également, il a été rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, non, il n'est pas mort. Mais il est plutôt parti comme Moussa. Mais il est plutôt parti comme Moussa était parti lorsqu'il avait quitté son peuple pour revenir par la suite. Et également, il a commencé à menacer toute personne qui dirait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam serait mort. Et il y avait une sagesse de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cela. Car ces agissements de Omar, cette réaction de Omar, cette position ferme de Omar, bien qu'elle n'était pas en phase avec la réalité de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa manière de réagir a refroidi les hypocrites qui n'ont pas osé faire ce qu'ils voulaient faire et fomenter comme ruse contre l'islam et les musulmans. Entre-temps, Abu Bakr, radiallahu anhu, arriva. Et il se dirigea directement vers l'appartement de sa fille Aïcha radiallahu anha. Et lorsqu'il rentra, il se précipita vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il embrassa le messager sallallahu alayhi wa sallam sur son front et entre ses yeux. Et il disait, par Allah, tu auras été bon aussi bien vivant que mort. Et suite à cela, Allah ne te fera plus connaître la mort. Et il fut pris d'un immense chagrin. Radiallahu anhu. Et suite à cela, il sortit de chez sa fille. Et cette position qu'il avait, cette réaction, durant laquelle il fit montre de ce sentiment de chagrin qu'il avait envahi, laissa place à une position pleine de fermeté, étant donné que le contexte s'y prêtait, et que les gens étaient dans le désarroi, et qu'ils étaient en proie à de nombreux doutes et hésitations, et que Omar, radiallahu anhu, était en train de menacer quiconque prétendrait que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, serait mort. Et donc, il était nécessaire que Abu Bakr fasse preuve de fermeté. Et il sortit donc et se dirigea vers les gens, notamment vers Omar, qui était en train de jurer que quiconque prétendrait que le messager sallallahu alayhi wa sallam serait mort, il lui trancherait le cou. C'est alors que Abu Bakr lui a dit, « Oh toi qui jures, calme-toi et assieds-toi. » Mais Omar refusa. Abu Bakr continua en lui disant, « Oh toi qui jures, calme-toi et assieds-toi. » Mais Omar refusa. Au vu de son refus, Abu Bakr, radiallahu anhu, s'adressa alors aux gens. Et lorsque Omar a vu que les gens se tournèrent tous vers Abu Bakr et s'asseyèrent afin d'écouter ce qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, avait à dire, il s'est également assis, radiallahu anhu. Et c'est alors que Abu Bakr a tenu le discours célèbre durant lequel il a notamment dit, qu'Allah l'agré, que celui qui adorait Mohammed, sache que Mohammed est mort. Quant à celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis, il a récité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. » وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et Mohammed n'est qu'un messager qui a été précédé par des messagers. Est-ce que s'il meurt ou est tué, vous allez rebrousser chemin? Certes, celui qui rebroussera chemin ne portera aucunement préjudice à Allah, et Allah récompensera par la suite ceux qui sont reconnaissants. Et c'est comme si les musulmans entendaient ce verset pour la première fois, notamment Omar, qui pourtant connaissait ce verset-là, mais ils ont dit c'est comme si c'était la première fois que nous l'entendions. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont résolus au fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien mort. Alayhi salatu wassalam. S'en suivit d'autres événements liés notamment à la désignation du calife, liés au lavage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et liés à son enterrement. Et c'est ce que nous aborderons, si Allah le veut, la fois prochaine. Et il faut savoir que le récit que vous venez d'entendre, qui est un récit résumé de cet événement marquant, c'est le récit d'une grande catastrophe. Anas lorsqu'il termina l'enterrement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de ceux qui y avaient participé, il passa devant la maison de Fatima, radiyallahu anha. Fatima s'adressa alors à lui en lui disant, « Ô Anas, comment vos âmes ont-elles pu supporter le fait de jeter de la terre sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ?» Également parmi les réactions qui ont été rapportées, le fait que Abu Bakr et Omar se sont accordés sur le fait d'aller visiter Ayman, que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de visiter. Radiallahu anha. Et lorsqu'ils se rendirent auprès d'elle, ils la trouvèrent en train de pleurer. Et lui ont alors dit, ne pleure pas, car la situation dans laquelle est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah est certainement meilleure pour lui. Il voulait par là la consoler. Mais Ayman de répondre, je sais pertinemment que ce qui est auprès d'Allah est préférable au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais je pleure surtout à cause du fait que la révélation est à présent interrompue. Il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, nous autres prophètes ne laissons pas d'héritage, car tout ce que nous laissons n'est qu'aumône. Par contre, il est un héritage qui ne prend pas fin et dont peuvent hériter l'ensemble des membres de la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dont les parts ne sont pas déterminées. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les ulama sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont plutôt laissé le savoir, c'est-à-dire le savoir religieux, la science religieuse. Quiconque aura mis la main dessus aura donc mis la main sur une grande part de cet héritage. Voici donc en résumé le récit de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai jugé opportun de suivre cette méthode-là afin qu'on ait un aperçu général de la vie du prophète alayhi salatu wa sallam d'une part et de cet événement marquant relatant son décès alayhi salatu wa sallam. Et on va s'en tenir à cela pour ce soir. Et nous reviendrons à la lecture du livre de Nawawi la semaine prochaine. Incha'Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.